Alors, je vais demander à quatre personnes de s'avancer pour prendre les deux paniers de pain et les porter avec la procession à l'entrée de l'église pour que tous ceux qui le souhaitent puissent en avoir un. Très belle fête à chacun et à chacune. Et allons dans la paix du Christ. Thank you.